Tu es à présent sur British Connection, la dernière aventure du monde civilisé. Et tu n'en sortiras pas vivant. Bonjour, c'est Marie-Virginia et vous êtes sur British Connection. Je suis ici pour vous parler de mon deuxième livre, Queen Parole de Fan, aux éditions Camion Blanc. Alors, Parole de Fan, c'est une ligne éditoriale de Camion Blanc qui met en avant différents artistes sous le prisme de leurs fans. Et donc, en fait, Camion Blanc, chez qui j'ai déjà écrit un premier livre sur Queen, m'a contacté en me proposant de m'occuper de ce deuxième bouquin qui serait consacré à Queen. Queen, c'est vrai que c'est un groupe qui a été très important d'un point de vue personnel. J'ai toujours grandi en écoutant du Queen, notamment grâce à mes parents et en particulier ma mère. Et du coup, c'était hyper intéressant de pouvoir partager mon ressenti par rapport à ce groupe, de partager mon expérience avec des fans de différents horizons, des fans qui finalement ont tous un vécu très différent. Il y en a qui ont connu Queen du vivant de Freddie Mercury, qui du coup l'ont vu en concert plusieurs fois. Il y en a qui l'ont jamais vu parce que, comme moi, trop jeune. Il y en a qui n'ont jamais vu Queen, mais qui étaient vivants au moment de la mort de Freddie. Enfin voilà, c'est toutes ces expériences-là en France, en Europe, en Belgique, aux États-Unis, il y a des témoignages d'Israël, du Brésil, et ça a été tous ces témoignages-là qui font la richesse, en fait, finalement, de l'histoire du groupe, et qui font la richesse même individuelle, et c'est ça que j'ai vraiment voulu mettre en avant dans Queen Parole de Fan, où du coup on a pu aborder énormément de thématiques, comme par exemple la discographie, évidemment, où on a parlé un petit peu album par album de chaque moment marquant. Évidemment, sur Queen, c'était difficile de ne pas parler de la section live. Et du coup, il y a tout un chapitre qui est dédié au live et à ces gens qui nous retracent leurs expériences de concert. Et puis voilà, des thématiques comme les clips, puisque Queen est un maître dans le genre. Et voilà, ça a été toutes ces expériences-là, toutes ces thématiques-là qui étaient très intéressantes, Queen étant un petit peu un mastodonte du rock actuel. C'est vrai que c'était pour moi hyper intéressant d'avoir les ressentis des gens, de ce qu'ils approuvaient, ce qu'ils désapprouvaient. Et puisqu'on parlait de clip tout à l'heure, je pense que on peut pas passer à côté de la chanson dont le clip est probablement le plus populaire de Queen. Et c'est le premier morceau que j'ai choisi pour cette carte blanche. C'est évidemment I Want to Break Free, et ce clip qui a fait un tollé aux États-Unis avant finalement d'empêcher Queen de revenir aux États-Unis. I want to break free from your lies, you're so 1982-2022, British Connection, votre émission rock à 40 ans. Putain, tu les fais pas! Alors voilà, maintenant je voulais peut-être aborder comment j'ai rencontré ces fans, comment j'ai pu discuter avec eux, quels témoignages j'ai récupérés, sous quels critères. À vrai dire, il n'y avait pas vraiment de critères. La première étape pour moi, ça a été au moment où j'ai appris que j'allais travailler sur ce projet de Paroles de Fans. La première étape, ça a été de contacter mon réseau personnel, des gens que j'avais autour de moi et qui étaient fans de Queen. Ça a été évidemment mon meilleur ami qui a été la première personne que j'ai contactée, et ça a été une évidence parce que c'était un grand grand fan de Queen, et c'est toujours d'ailleurs un grand grand fan de Queen. J'ai été également sur une émission sur un autre média et où j'ai rencontré une autre personne qui est devenue par la suite une très très bonne connaissance. Et c'est pareil, cette personne, je l'ai contactée, elle acceptait avec beaucoup de gentillesse. Mais évidemment, je ne pouvais pas faire mon livre exclusivement sur les témoignages de connaissances. Et du coup, il a fallu que j'ouvre mon réseau vers d'autres personnes. Et c'est là où je tiens à rendre un hommage important et à féliciter le travail au quotidien des fan clubs sur les réseaux sociaux, des fan clubs physique, donc du fan club déjà officiel de Queen. Jackie Smith a eu l'immense gentillesse de participer à mon livre et de me donner une photo d'elle avec Freddie notamment. Et voilà, c'est des témoignages comme ça. C'est également ce fan club-là qui m'a permis d'avoir des contacts vers l'international. Et puis en France, voilà, on a quand même deux fan clubs sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, qui ont un impact assez fort, qui sont le Queen France Fan Club et le Queen Belgian France Fan Club. Ces deux fan clubs là en particulier, il y en a eu d'autres évidemment et je pourrais pas tous les citer, mais ces deux fan clubs là en particulier ont été très importants, voire essentiels, dans la rédaction et dans la mise en place de ce projet, puisque les modérateurs ont apporté leur expertise avec beaucoup de générosité, beaucoup d'altruisme. Et vraiment, ils m'ont apporté des connaissances que j'avais même pas forcément en fait en réalité. Et ça a été vraiment un échange très enrichissant. Et puis après, derrière, ils m'ont mis en relation avec des fans de leur fan club. Et du coup, ça a été, voilà, il n'y avait pas vraiment de critères en fait pour participer au livre. C'était la plus jeune fan venait tout juste d'avoir 18 ans, quelque chose comme ça, et la plus âgée avait 70 ans. Et ça, il n'y avait pas vraiment de critères. Alors évidemment, du coup, j'ai gardé des témoignages où il y avait matière entre guillemets à développer, et c'est vrai que malgré tout, voilà, ça a été énormément de belles rencontres, des rencontres qui ont pu se concrétiser par la suite par des rencontres dans la vraie vie, ou alors tout simplement par des concrétisations sur d'autres projets en dehors de Queen. Et du coup, en deuxième choix, j'ai décidé de rendre hommage à mon meilleur ami qui a participé au livre et qui voulait que je diffuse pour lui I'm in love with my car, qui est la face B de Bohemian Rhapsody. We'll be right back. It's only rock, British Connection. Et puis pour conclure cette carte blanche, je pense qu'il est intéressant de s'intéresser au lien entre Queen et les fans, puisque je pense que finalement, plus que n'importe quel autre groupe, Queen a vraiment vécu et perduré dans le temps grâce à ses fans. Il faut voir quand même que c'était pas un groupe qui était très apprécié des médias. Les journalistes ont très souvent critiqué le travail de Queen. Alors aujourd'hui, les choses ont bougé puisqu'on a du recul. Ça fait maintenant 50 ans que le groupe existe. Certains albums vont fêter leurs 50 ans très prochainement. Et puis voilà, il y a une nouvelle génération aussi de journalistes qui a écouté du Queen plus jeune, qui adore Queen et qui du coup maintenant en parle excessivement bien. Mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas. Et pendant très longtemps, Queen a été détesté, notamment en France. Et c'est vrai qu'en fait, du coup, malgré tout, il y a eu tout ce paradoxe de la presse qui n'était pas forcément friande de ce groupe-là, qui n'était pas encouragée, mais par contre, un public qui était très présent, qui n'a cessé de désenfler d'année en année, et qui, du coup, a permis à Queen de développer des concerts incroyables. Je pense notamment au concert du Hyde Park en 1976. Je pense évidemment à tous ces grands concerts, le concert de Wembley, la prestation incroyable de Queen au Live Aid, où il y a eu un public en transe, pour moi, vraiment, enfin, il y a eu un avant et un après Live Aid pour Queen, même à Rio en 1985, voilà, ça a été des dates qui ont été excessivement importantes dans la carrière de Queen, et en fait, finalement, on se rend compte que le succès de ce groupe a vraiment été un succès créé par les fans, finalement. Et puis on le voit très bien aussi, à une fois le décès de Freddie Mercury annoncé, il y a eu ce concert hommage à Freddie qui s'est déroulé le 12 avril 1992 et où il y a eu pléthore d'artistes, il y a eu David Bowie, il y a eu évidemment la prestation incroyable de George Michael et un Wembley Stadium qui était rempli, qui a fait salle comble et qui aujourd'hui a été presque un précurseur et un modèle sur... une façon de rendre hommage à des artistes, puisqu'on l'a vu par la suite, je pense notamment au live de Chester Bennington, suite au décès du chanteur de Linkin Park, ils ont reproduit ce même principe-là. Et c'est vrai que voilà, avec Freddy, il y a eu ce truc-là, et il y a eu cette émulation, et aujourd'hui, voilà, ça fait maintenant 30 ans que Freddie Mercury est décédé, il est décédé le 24 novembre 1991, mais l'héritage perdure, et c'est notamment, effectivement, grâce aux médias, grâce à des événements importants, grâce au fait que Brian May et Roger Taylor continuent de faire perdurer l'héritage de Queen, grâce également au biopic par exemple qui a complètement relancé la dynamique, mais c'est également, et il faut absolument pas les sous-estimer, les fans qui permettent aujourd'hui, 50 ans après la création de ce groupe, de le faire perdurer et de le faire perdurer encore pendant très longtemps pour moi dans les médias. Et du coup, pour conclure cette carte blanche, je voulais diffuser Good Old Fashioned Lover Boy, qui est sur l'album A Day at the Races et qui est une chanson que j'adore. Un immense merci à British Connection pour sa confiance, et puis à très vite, j'espère. Get it from me. action in the good old-fashioned school of lover boys. British. British Connection, l'émission qui passe ce qu'on n'entend pas sur les autres radio rock. British Connection, ça fait ça chaud et c'est gratuit. To back out of an argument and say I was wrong, even when I'd seen the other side, I'd hide my foolishness and carry on. But still I'd be embarrassed, 'cause they'd see what happened and they'd play along. Till I backed myself into a corner, I would only realize when they had gone. And I could dream a life of reason. Everything must change. Everything, everything must change. In the same way when we disagree, I wouldn't be the one to back down. But still I know that you had faith in me. Tell me something, am I letting you down? 'Cause when I woke up and I saw the note, you'd pressed into the mirror frame. Well, it was easy to be angry at you, but deep inside I know we shared the blame. Now I'm like a dream, a life of reason. Everything must change. Everything, everything must change. Start myself off, but first of all, some things I need to know. and I'm scared of being wrong again. Won't you be the one I turn to let me know? Oh, let me know. Oh, please let me be right for once. 'Cause right now all I feel I do is wrong. And it's never too late to learn about love. This victim needs your hand to hold on. Like a dream, a life of reason. Everything must change. Everything, everything must change. British Connection, l'émission rock, vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. C'est la deuxième partie de l'album de la semaine, c'est le collectif Astéréotypie. L'album Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme. Des textes durs, drôles sur des fonds sonores, rock et électrique. Alors, ce texte, moi je le trouve super drôle parce que quand on voit des scènes comme ça, dans ce clip, on a toujours l'impression qu'il y a un sentiment qui reste polyvalent et qui reste derrière. Ah, donc en fait, ce que tu dis, Johan, c'est que tu aimerais bien qu'on fasse un clip sur ce morceau-là. J'aimerais bien enregistrer le clip parce que c'est vraiment la scène que je vois quand on est, par exemple, quand on est à la clinique ou à l'hôpital. Ah oui, pour les naissances et tout. Pour les naissances, oui. Bon, bah il y a voilà. 9 mois. Que... Eh ben, on va essayer de faire un clip là-dessus. Eh ben, c'est pas mal, dis. British Connection, you rock. L'obésité accueille chaque année 9000 patients. J'aime mon sang, j'ai adopté mon fils. Les bébés ont besoin de naître. Un bébé gros, ça pèse 24 mois. Taille de la grossesse, 9 mois. Les grossesses sont recherchées dans les cliniques. N'ayez pas peur de votre bébé. Votre bébé n'est pas responsable. Vivre soit deux. Et de chagrin, c'est indémodable. C'est faire des relations avec des gens qu'on aime et qui fidélisent leur environnement. Vivre, c'est de trouver un partenaire qualifiable et retrouver la joie de l'amour en toute sérénité. Vivre à deux, c'est de trouver la complexité entre deux républiques éternelles. Vivre en soi deux. Une vie amoureuse pour leur conjoint professionnel, le désir, une joie unique pour la vie. British Connection, votre émission rock est disponible en podcast. Il vous suffit simplement d'aller sur la page Facebook de l'émission. Allez, on fait une pause. On se retrouve dans un instant avec les 180 secondes du micro jaune et de notre ami Rémi. On retrouvera également pour la dernière fois de la saison Emma et son What's Up les gars. A tout de suite. British Connection, avec vous depuis 1982. You rock!